Thank you.

Cuisine et ceux qui ont passé le temps à... Mais y a des grimaces. Des bisous. Salut les gens. À bientôt.